Mais je ne suivis point le conseil de Louis. Pour cela, j'étais trop piqué au jeu. Si elle avait su que je prenais une maîtresse, j'en aurais peut-être pris une pour lui fouetter le cœur ou la vanité par la jalousie. Mais elle ne le saurait pas. Comment pourrait-elle le savoir ? En amenant, si je l'avais fait, une maîtresse chez moi, comme Louis à son hôtel de la Poste, c'était rompre avec les bonnes gens chez qui j'habitais, et qui m'auraient immédiatement prié d'aller chercher un autre logement que le leur. Et je ne voulais pas renoncer, si je ne pouvais avoir que cela, à la possibilité de retrouver la main ou le pied de cette dame en talberte, qui, après ce qu'elle avait osé, restait toujours la grande mademoiselle impassible. « Dis plutôt impossible, » disait Louis, qui se moquait de moi. Un mois tout entier se passa, et malgré mes résolutions de me montrer aussi oublieux qu'Alberte et aussi indifférent qu'elle, d'opposer marbre à marbre et froideur à froideur, je ne vécus plus que de la vie tendue de l'affût que je déteste, même à la chasse. Oui, monsieur, ce ne fut plus qu'affût perpétuel dans mes journées. Affût quand je descendais à dîner, et que j'espérais la trouver seule dans la salle à manger, comme la première fois. Affût au dîner, où mon regard ajustait de face ou de côté le sien, qu'il rencontrait net et infernalement calme, et qui n'évitait pas plus le mien qu'il n'y répondait. Affût après le dîner, car je restais maintenant un peu après dîner voir ces dames reprendre leur ouvrage, dans leur embrasure de croisée, guettant si elles ne laisseraient pas tomber quelque chose, sonder ses ciseaux, un chiffon, que je pourrais ramasser, et en les lui rendant toucher sa main, cette main que j'avais maintenant à travers la cervelle. Affût chez moi, quand j'étais remonté dans ma chambre, y croyant toujours entendre le long du corridor ce pied qui avait piétiné sur le mien avec une volonté si absolue. Affût dans l'escalier où je croyais pouvoir la rencontrer et où la vieille Olive me surprit un jour, à ma grande confusion, en sentinelle. Affût à ma fenêtre, cette fenêtre que vous voyez, où je me plantais quand elle devait sortir avec sa mère et d'où je ne bougeais pas avant qu'elle fût rentrée, mais tout cela aussi vainement que le reste. Lorsqu'elle sortait, tortillée dans son châle de jeune fille, un châle à raies rouges et blanches, je n'ai rien oublié, semé de fleurs noires et jaunes, sur les deux raies. Elle ne retournait pas son torse insolent une seule fois, et lorsqu'elle rentrait toujours aux côtés de sa mère, elle ne levait ni la tête ni les yeux vers la fenêtre où je l'attendais. Tels étaient les misérables exercices auxquels elle m'avait condamné. Certes, je sais bien que les femmes nous font tous plus ou moins valoter, mais dans ces proportions-là... Le vieux Fat, qui devait être mort en moi, s'en révolte encore. Ah, je ne pensais plus au bonheur de mon uniforme. Quand j'avais fait le service de la journée, après l'exercice ou la revue, je rentrais vite, mais non plus pour lire des piles de mémoires ou de romans, mais seule lecture dans ce temps-là. Je n'allais plus chez Louis de Meug. Je ne touchais plus à mes fleurets. Je n'avais pas la ressource du tabac qui engourdit l'activité quand elle vous dévore, et que vous avez, vous autres jeunes gens, qui m'avez suivi dans la vie. On ne fumait pas alors au 27e, si ce n'est entre soldats, au corps de garde, quand on jouait la partie de brisque sur le tambour. Je restais donc oisif de corps à me ronger. Je ne sais pas si c'était le cœur sur ce canapé qui ne me faisait plus le bon froid que j'aimais dans ces 6 pieds carrés de chambre, où je m'agitais comme un lionceau dans sa cage, quand il sent la chair fraîche à côté. Et si c'était ainsi le jour, c'était aussi de même une grande partie de la nuit. Je me couchais tard, je ne dormais plus. Elle me tenait éveillée, cette Alberte d'enfer, qui me l'avait allumée dans les veines, puis qui s'était éloignée comme l'incendiaire, qui ne retourne pas même la tête pour voir son feu flamber derrière lui. Je baissais comme le voilà ce soir. Ici, le vicomte passa son gant sur la glace de la voiture placée devant lui, pour essuyer la vapeur qui commençait d'y perler. Ce même rideau cramoisi à cette même fenêtre, qui n'avait pas plus de persiennes qu'elle n'en a maintenant, afin que les voisins, plus curieux en province qu'ailleurs, ne dévisageasse pas le fond de ma chambre. C'était une chambre de ce temps-là, une chambre de l'Empire, parquetée en point de Hongrie, sans tapis, où le bronze plaquait partout le merisier, d'abord en tête de sphinx aux 4 coins du lit, et en patte de lion sous ses 4 pieds, puis sur tous les tiroirs de la commode et du secrétaire, en camée de face de lion, avec des années de cuivre pendant de leurs gueules verdâtres, et par lesquelles on les tirait quand on voulait les ouvrir. Une table carrée d'un merisier plus rosâtre que le reste de l'ameublement. À dessus de marbre gris, grillagé de cuivre, était en face du lit, contre le mur, entre la fenêtre et la porte d'un grand cabinet de toilette. Et vis-à-vis de la cheminée, le grand canapé de maroquin bleu, dont je vous ai déjà tant parlé. À tous les angles de cette chambre d'une grande élévation et d'un large espace, il y avait des encoignures en faux lac de Chine, et sur l'une d'elles, on voyait, mystérieux et blanc, dans le noir du coin, un vieux buste de Niobé d'après l'antique, qui étonnait là chez ces bourgeois vulgaires. Mais est-ce que cet incompréhensible Albert n'étonnait pas bien plus? Les murs lambrissés et peints à l'huile, d'un blanc jaune, n'avaient ni tableau ni gravure. J'y avais seulement mis mes armes, couchées sur de longues pattes fiches en cuivre doré. Quand j'avais loué cette grande calebasse d'appartement, comme disait élégamment le lieutenant Louis de Meug, qui ne poétisait pas les choses, j'avais fait placer au milieu une grande table ronde que je couvrais de cartes militaires, de livres et de papiers. C'était mon bureau. J'écrivais quand j'avais à écrire. Eh bien, un soir, ou plutôt une nuit, j'avais roulé le canapé auprès de cette grande table, et j'y dessinais à la lampe, non pas pour me distraire de l'unique pensée qui me submergeait depuis un mois, mais pour m'y plonger davantage, car c'était la tête de cette énigmatique Albert que je dessinais. C'était le visage de cette diablesse de femme dont j'étais possédé, comme les dévots disent qu'on l'est du diable. Il était tard. La rue où passaient chaque nuit deux diligences en sens inverse, comme aujourd'hui, l'une à minuit trois quarts et l'autre à 2h30 du matin, et qui toutes deux s'arrêtaient à l'hôtel de la poste pour relayer, la rue était silencieuse comme le fond d'un puits. J'aurais entendu voler une mouche, mais si, par hasard, il y en avait une dans ma chambre, elle devait dormir dans quelque coin de vitre ou dans un des plis cannelés de ce rideau, d'une forte étoffe de soie croisée que j'avais ôtée de sa patère et qui tombait devant la fenêtre, perpendiculaire et immobile. Le seul bruit qu'il y eut alors autour de moi, dans ce profond et complet silence, c'était moi qui le faisais, avec mon crayon et mon estompe. Oui, c'était elle que je dessinais, et Dieu sait avec quelle caresse de main et quelle préoccupation enflammée. Tout à coup, sans aucun bruit de serrure qui m'aurait averti, ma porte s'entr'ouvrit, en flûtant ce son des portes dont les gonds sont secs, et resta à moitié entrebâillée, comme si elle avait eu peur du son qu'elle avait jeté. Je relevai les yeux, croyant avoir mal fermé cette porte, qui d'elle-même, inopinément, s'ouvrait en filant ce son plaintif, capable de faire tressaillir dans la nuit ceux qui veillent et de réveiller ceux qui dorment. Je me levai de ma table pour aller la fermer, mais la porte entr'ouverte s'ouvrit plus grande, et très doucement toujours, mais en recommençant le son aigu, qui traîna comme un gémissement dans la maison silencieuse, et je vis, quand elle se fut ouverte de toute sa grandeur, Albert. Albert qui, malgré les précautions d'une peur, qui devait être immense, n'avait pu empêcher cette porte maudite de crier. Ah, tonnerre de Dieu! Il parle de vision, ceux qui y croient. Mais la vision la plus surnaturelle ne m'aurait pas donné la surprise, l'espèce de coup au cœur que je ressentis, et qui se répéta en palpitations insensées, quand je vis venir à moi, de cette porte ouverte, Albert, effrayé au bruit que cette porte venait de faire en s'ouvrant, et qui allait recommencer encore si elle la fermait. Rappelez-vous toujours que je n'avais pas 18 ans. Elle vit peut-être ma terreur à la sienne. Elle réprima par un geste énergique le cri de surprise qui pouvait m'échapper, qui me serait certainement échappé sans ce geste. Et elle referma la porte, non plus lentement, puisque cette lenteur l'avait fait crier, mais rapidement, pour éviter ce cri des gonds, qu'elle n'évita pas, et qui recommença plus net, plus franc, d'une seule venue et suraiguë. Et la porte fermée, et l'oreille contre, elle écouta si un autre bruit qui aurait été plus inquiétant et plus terrible ne répondait pas à celui-là. Je crus l'avoir chancelée. Je m'élançai et je l'eus bientôt dans les bras. « Mais elle va bien, votre Albert, » dis-je au capitaine. « Vous croyez peut-être, » reprit-il, comme s'il n'avait pas entendu ma moqueuse observation, qu'elle y tomba dans mes bras d'effroi, de passion, de tête perdue, comme une fille poursuivie ou qu'on peut se poursuivre, qui ne sait plus ce qu'elle fait quand elle fait la dernière des folies, quand elle s'abandonne à ce démon que les femmes ont toutes, dit-on quelque part, et qui serait le maître toujours s'il n'y en avait pas deux autres aussi en elle. La lâcheté et la honte, pour contrarier celui-là. Eh bien non, ce n'était pas cela. Si vous le croyez, vous vous tromperiez. Elle n'avait rien de ces peurs vulgaires et osées. Ce fut bien plus elle qui me prit dans ses bras que je ne la pris dans les miens. Son premier mouvement avait été de se jeter le front contre ma poitrine, mais elle le releva et me regarda, les yeux tout grands, des yeux immenses, comme pour voir si c'était bien moi qu'elle tenait ainsi dans ses bras. Elle était horriblement pâle, et comme je ne l'avais jamais vue pâle, mais ses traits de princesse n'avaient pas bougé. Ils avaient toujours l'immobilité et la fermeté d'une médaille. Seulement, sur sa bouche, aux lèvres légèrement bombées, errait je ne sais quel égarement, qui n'était pas celui de la passion heureuse ou qui va l'être tout à l'heure. Et cet égarement avait quelque chose de si sombre dans un pareil moment que pour ne pas la voir, je plantais sur ses belles lèvres rouges et érectiles le robuste et foudroyant baiser du désir triomphant et roi. La bouche s'entr'ouvrit, mais les yeux noirs à la noirceur profonde, et dont les longues paupières touchaient presque alors mes paupières, ne se fermèrent point, ne palpitèrent même pas. Mais tout au fond, comme sur sa bouche, je vis passer de la démence, agrafée dans ce baiser de feu, et comme enlevée par les lèvres qui pénétraient les siennes, aspirée par l'haleine qui la respirait, je la portais toujours collée à moi sur ce canapé de maroquin bleu, mon grille de Saint-Laurent depuis un mois que je m'y roulais en pensant à elle, et dont le maroquin se mit voluptueusement à craquer sous son dos nu, car elle était à moitié nue. Elle sortait de son lit, et pour venir, elle avait, le croirez-vous, été obligée de traverser la chambre où son père et sa mère dormaient. Elle l'avait traversée à tâtons, les mains en avant, pour ne pas se choquer à quelque meuble, qui aurait retenti de son choc et qui eût pu les réveiller. Ah, fis-je, on n'est pas plus brave à la tranchée. Elle était digne d'être la maîtresse d'un soldat. Et elle le fut dès cette première nuit-là, reprit le vicomte. Elle le fut aussi violente que moi, et je vous jure que je l'étais. Mais c'est égal, voici la revanche. Elle ni moi ne pûmes oublier. Dans les plus vifs de nos transports, l'épouvantable situation qu'elle nous faisait à tous les deux. Au sein de ce bonheur qu'elle venait chercher et m'offrir, elle était alors comme stupéfiée de l'acte qu'elle accomplissait, d'une volonté pourtant si ferme, avec un acharnement si obstiné. Je ne m'en étonnais pas, je l'étais bien moi stupéfié. J'avais bien, sans le lui dire et sans le lui montrer, la plus effroyable anxiété dans le cœur, pendant qu'elle me pressait à m'étouffer sur le sien. J'écoutais à travers ses soupirs, à travers ses baisers, à travers le terrifiant silence qui pesait sur cette maison endormie et confiante, une chose horrible. C'est si sa mère ne s'éveillait pas, si son père ne se levait pas. Et jusque par-dessus son épaule, je regardais derrière elle si cette porte dont elle n'avait pas ôté la clé, par peur du bruit qu'elle pouvait faire, n'allait pas s'ouvrir de nouveau et me montrer, pâles et indignées, ces deux têtes de méduse, ces deux vieillards que nous trompions avec une lâcheté si hardie, surgir tout à coup dans la nuit, image de l'hospitalité violée et de la justice. Jusqu'à ces voluptueux craquements du maroquin bleu, qui m'avaient sonné la diane de l'amour, me faisaient tressaillir d'épouvante. Mon cœur battait contre le sien, qui semblait me répercuter ses battements. C'était enivrant et dégrisant tout à la fois, mais c'était terrible. Je me fis à tout cela plus tard. À force de renouveler impunément cette imprudence sans nom, je devins tranquille dans cette imprudence. À force de vivre dans ce danger d'être surpris, je me blasais. Je n'y pensais plus, je ne pensais plus qu'à être heureux. Dès cette première nuit formidable, qui aurait dû l'épouvanter des autres, elle avait décidé qu'elle viendrait chez moi de deux nuits en deux nuits, puisque je ne pouvais aller chez elle. Sa chambre de jeune fille n'ayant d'autre issue que dans l'appartement de ses parents, et elle y vint régulièrement toutes les deux nuits. Mais jamais elle ne perdit la sensation, la stupeur de la première fois. Le temps ne produisit pas sur elle l'effet qu'il produisit sur moi. Elle ne se bronza pas au danger affronté chaque nuit. Toujours elle restait, et jusque sur mon cœur, silencieuse, me parlant à peine avec la voix, car d'ailleurs, vous vous doutez bien qu'elle était éloquente, et lorsque plus tard le calme me prit, moi à force de dangers affrontés et de réussites, et que je lui parlais, comme on parle à sa maîtresse, de ce qu'il y avait de passé entre nous, de cette froideur inexplicable et démentie, puisque je la tenais dans mes bras, et qui avait succédé à ses premières audaces, quand je lui adressais enfin tous ces pourquoi insatiables de l'amour, qui n'est peut-être au fond qu'une curiosité, elle ne me répondit jamais que par de longues étreintes. Sa bouche triste demeurait muette de tout, excepté de baisers. Il y a des femmes qui vous disent « Je me perds pour vous ». Il y en a d'autres qui vous disent « Tu vas bien me mépriser ». Et ce sont là des manières différentes d'exprimer la fatalité de l'amour. Mais elle, non, elle ne disait mot. Chose étrange, plus étrange personne. Elle me produisait l'effet d'un épais et dur couvercle de marbre qui brûlait, chauffé par en dessous. Je croyais qu'il arriverait un moment où le marbre se fendrait enfin sous la chaleur brûlante, mais le marbre ne perdit jamais sa rigide densité. Les nuits qu'elle venait, elle n'avait ni plus d'abandon, ni plus de paroles. Et je me permettrais ce mot ecclésiastique, elle fut toujours aussi difficile à confesser que la première nuit qu'elle était venue. Je n'en tirais pas davantage. Tout au plus, un monosyllabe arraché d'obsession à ses belles lèvres dont je raffolais d'autant plus que je les avais vues plus froides et plus indifférentes pendant la journée, et encore un monosyllabe qui ne faisait pas grande lumière sur la nature de cette fille, qui me paraissait plus sphinx à elle seule que tous les sphinx dont l'usage se multipliait autour de moi dans cet appartement empire. Mais capitaine, interrompis-je encore, il y eut pourtant une fin à tout cela. Vous êtes un homme fort, et tous les sphinx sont des animaux fabuleux. Il n'y en a point dans la vie, et vous finîtes bien par trouver, que diable, ce qu'elle avait dans son giron, cette commère-là. Une fin, oui, il y eut une fin, fit le vicomte de Brassard en baissant brusquement la vitre du coupé, comme si la respiration avait manqué à sa monumentale poitrine, et qu'il eut besoin d'air pour achever ce qu'il avait à raconter. Mais le giron, comme vous dites, de cette singulière fille, n'en fut pas plus ouvert pour cela. Notre amour, notre relation, notre intrigue, appelez cela comme vous voudrez, nous donna, ou plutôt me donna à moi, des sensations que je ne crois pas avoir éprouvées jamais depuis avec des femmes plus aimées que cette Alberte, qui ne m'aimait peut-être pas, que je n'aimais peut-être pas. Je n'ai jamais bien compris ce que j'avais pour elle, et ce qu'elle avait pour moi, et cela dura plus de 6 mois. Pendant ces 6 mois, tout ce que je compris, ce fut un genre de bonheur dont on n'a pas l'idée dans la jeunesse. Je compris le bonheur de ceux qui se cachent, je compris la jouissance du mystère dans la complicité, qui même sans l'espérance de réussir, ferait encore des conspirateurs incorrigibles. Alberte, à la table de ses parents, comme partout, était toujours la madame infante, qui m'avait tant frappé le premier jour que je l'avais vue. Son front néronien, sous ses cheveux bleus à force d'être noirs, qui bouclait durement et touchait ses sourcils, ne laissait rien passer de la nuit coupable, qui n'y étendait aucune rougeur. Et moi, qui essayais d'être aussi impénétrable qu'elle, mais qui, j'en suis sûr, aurait dû me trahir 10 fois, si j'avais eu affaire à des observateurs, je me rassasiais orgueilleusement et presque sensuellement dans le plus profond de mon être, de l'idée que toute cette superbe indifférence était bien à moi, et qu'elle avait pour moi toutes les bassesses de la passion, si la passion pouvait jamais être basse. Nul que nous sur la terre ne savait cela, et c'était délicieux cette pensée. Personne, pas même mon ami Louis de Meug, avec lequel j'étais discret depuis que j'étais heureux, il avait tout deviné sans doute, puisqu'il était aussi discret que moi. Il ne m'interrogeait pas. J'avais repris avec lui, sans effort, mes habitudes d'intimité, les promenades sur le cours, en grande ou en petite tenue, l'impérial escribe et le punch. Pardieu, quand on sait que le bonheur viendra sous la forme d'une belle jeune fille, qui a comme une rage de dents dans le cœur, vous visitez régulièrement d'une nuit l'autre, à la même heure, cela simplifie joliment les jours. Mais il dormait donc comme les 7 dormants, les parents de cette Alberte, fis-je railleusement en coupant net les réflexions de l'ancien dandy par une plaisanterie, et pour ne pas paraître trop pris par son histoire, qui me prenait, car avec les dandys, on n'a guère que la plaisanterie pour se faire un peu respecter. Vous croyez donc que je cherche des effets de conteur hors de la réalité, dit le vicomte, mais je ne suis pas romancier, moi. Quelquefois, Alberte ne venait pas. La porte, dont les gonds huilés étaient moelleux comme de la ouate maintenant, ne s'ouvrait pas de toute la nuit. Et c'est qu'alors sa mère l'avait entendu, et s'était écriée, ou c'est que son père l'avait aperçu, filant ou tâtonnant à travers la chambre. Seulement Alberte, avec sa tête d'acier, trouvait à chaque fois un prétexte. Elle était souffrante, elle cherchait le sucrier sans flambeau, de peur de réveiller personne. « Ces têtes d'acier-là ne sont pas si rares que vous avez l'air de le croire, capitaine, interrompis-je encore. J'étais contrariant. Votre Alberte, après tout, n'était pas plus forte que la jeune fille qui recevait toutes les nuits, dans la chambre de sa grand-mère, endormie derrière ses rideaux, un amant entré par la fenêtre, et qui, n'ayant pas de canapé de maroquin bleu, s'établissait à la bonne franquette sur le tapis. Vous savez comme moi l'histoire. Un soir, apparemment poussé par la jeune fille trop heureuse, un soupir plus fort que les autres réveilla la grand-mère, qui cria de dessous ses rideaux un « Qu'as-tu donc, petite ?» à la faire évanouir contre le cœur de son amant. Mais elle n'en répondit pas moins de sa place. « C'est mon buse qui me gêne, grand-maman, pour chercher mon aiguille tombée sur le tapis, et que je ne puis pas retrouver. » « Oui, je connais l'histoire, reprit le vicomte de Brassard, que j'avais cru humilié par une comparaison dans la personne de son Alberte. C'était, si je m'en souviens bien, une de Guise que la jeune fille dont vous me parlez. Elle s'en tira comme une fille de son nom. Mais vous ne dites qu'à partir de cette nuit-là, elle ne rouvrit plus la fenêtre à son amant, qui était, je crois, monsieur de Noirmoutier, tandis qu'Alberte revenait le lendemain de ses accros terribles et s'exposait de plus belle aux dangers bravés, comme si de rien n'était. Alors je n'étais, moi, qu'un sous-lieutenant, assez médiocre en mathématiques, et qui m'en occupait fort peu. Mais il était évident, pour qui sait faire le moindre calcul des probabilités, qu'un jour, une nuit, il y aurait le dénouement. Ah oui, fis-je, me rappelant ses paroles d'avant son histoire, le dénouement qui devait vous faire connaître la sensation de la peur, capitaine.